traverse dans la nuit. Mais tôt ou tard, de l'autre côté, une place m'y sera réservée. Mais tôt ou tard, de ce côté, peut-être que la roue va tourner. On se maquille les jours de pluie pour mettre un soleil dans nos vies. Mais tôt ou tard, de l'autre côté, une place nous y sera réservée.